ne me laisse jamais, jamais tout seul. Je t'aime trop. Et même si le temps passé a fait passer notre désir, même si tu te rends compte que tu me hais parfois, même si je te fatigue simplement parce que je suis là. Et si tu m'aimes encore, ne me laisse jamais, non jamais tout seul. Je t'aime trop. Même si tu penses que j'ai détruit de mes mains pour ma musique et la tienne pour rien, même quand l'hiver de l'âge aura flétri nos corps, et même lorsque tu sauras que rien ne sert à rien, dis si tu m'aimes encore. Yeah.